Et tout de suite sur Radio Dio, c'est qui ou quoi ? Romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio. Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher, ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir, dans cette 12e émission de la deuxième saison de Qui ou quoi, c'est comme au Macumba, mais en mieux. C'est-à-dire, au Macumba, c'est deux salles, deux ambiances. Ce soir, dans Qui ou quoi, c'est deux chroniqueurs, deux livres, deux styles différents, mais deux livres que nous vous conseillons absolument. Ce soir, je suis donc avec Vincent, l'homme qui allie relaxation et chronique littéraire. Bonsoir Vincent. Bonsoir Axel. Vincent va nous parler de Silo, de Hugh Howey, tu me diras plus tard si j'ai bien prononcé. Et moi, je vais inscrire à la BD Tech idéale de Qui ou quoi, la série radiante de Tony Valland. Science-fiction et manga, c'est maintenant dans Qui ou quoi. Bonsoir Axel, bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent. Alors, Hugh Howey, ben moi je le prononce Hugh Howey, mais bon, c'est pas grave, je sais pas comment je dois le prononcer, donc ça sera Howey. Ce soir, nous allons nous projeter dans un futur indéterminé. Le monde que nous connaissons n'existe plus. Une immense catastrophe a ravagé la surface de la Terre. En permanence soufflent des vents de toxines mortelles. Seuls subsistent, sur cette surface devenue ingrate, quelques vestiges de construction. Inutile d'espérer un changement, car espérer, c'est faire courir un risque au peuple du silo. Espérer qu'un jour, il sera possible de repeupler cette bonne vieille terre. Non, il ne faut pas espérer, car ceux qui espèrent doivent être bannis. Ils pourraient mettre en danger le peuple du silo. Il ne faut pas. Tu entends, Axel ? Si tu as ce genre de pensée dans le silo, tu signes ton arrêt de mort. Axel, ne pense pas. Ils vont nous bannir. Et nous allons mourir. Voilà, vous avez un vague aperçu de l'ambiance et peut-être une idée du livre dont je vais vous parler ce soir. Silo de Hugh Howey, premier tome d'une trilogie éditée en France par Actes Sud et réunie en un seul volume. Silo l'intégrale, une trilogie qui s'étale sur plus de 1500 pages. Ce soir, je me concentrerai uniquement sur le premier opus qui fait 559 pages dans l'intégrale. Je n'ai pas encore lu à l'heure où je vous parle les deux autres, Silo Origine et Silo Génération, mais ça ne saurait tarder. L'auteur, Hugh Howey, est un petit malin, je trouve, car en lisant le premier tome, de nombreuses questions restent en suspens. Qui a construit les silos ? Qu'est-ce qui justifie la technologie utilisée dans le silo ? Que vont devenir tous ces gens ? Qui les a choisis ? Qu'est-ce qui est à l'origine de la catastrophe qui a ravagé la planète ? Pour l'instant, l'auteur m'a laissé quelques indices sur le premier tome, mais rien de plus. Les réponses sont à découvrir, je pense, dans les deux autres tomes de la trilogie, Silo Origine et Silo Génération. Avant toute chose, Axel, une question à te poser. Vas-y. Pour toi, qu'est-ce qu'un silo ? Un silo, ben en fait, je ne me suis jamais posé la question, je t'avoue. J'irais bien sur les gros containers qu'on voit dans nos campagnes, au bord de la route, quand il y a une coopérative agricole, quoi. Voilà, un gros truc pour stocker. Bah c'est ça, ouais. Graine, ouais, voilà. C'est ça, c'est proche, c'est proche de la définition du Larousse. Merci. Eh bien, oui, mon cher Axel, et c'est un peu ce que l'auteur Hugo Way, dans sa grande mansuétude, propose comme solution pour sauver l'humanité. Si une grande catastrophe se produisait, l'idée simple et géniale ne serait-elle pas de confiner toute l'humanité, ou ce qu'il en reste, dans de gigantesques silos enterrés dans le sol ? L'idée peut paraître horrible pour des gens claustrophobes, mais nécessaire si on a une vision pragmatique. Le silo décrit par Hugo Way est une gigantesque structure, un bunker enterré. Le silo est l'ultime refuge. Il est conçu pour stocker des hommes et des femmes en attendant des temps meilleurs. La vie du silo ressemble un peu, à mon sens, à la vie que j'imagine dans un sous-marin. L'auteur a pensé sa structure dans les moindres détails. Le silo est autosuffisant. Au 144e étage, sous terre, vivent les ouvriers chargés de la maintenance des machines. Dans les étages supérieurs, vous trouvez les fournitures, les fermes, le DIT, département infotechnologie, l'hôpital. Les membres du silo disposent en plus pour leur confort personnel d'appartements. Seul le premier étage émerge et permet d'avoir une vue panoramique sur un monde dévasté. Un premier étage où nous retrouvons un shérif et un maire élus par le peuple. Tout est pensé, compartimenté, pour que chacun et chacune est une fonction bien définie. Tout irait bien dans le meilleur des mondes, petite référence à Aldous Huxley, si ce n'est que certaines personnes comme la femme du shérif Holston commencent à douter. Or, le doute n'est pas permis car il menace la sécurité du silo. Le doute amène le désordre et conduit à l'insurrection. Pour la survie du peuple du silo, il est nécessaire d'envoyer dehors les citoyens qui enfreignent la loi. Je ne vous cacherai pas que Silo m'a bien accroché, ce n'est certes pas de la grande littérature et n'allez pas chercher de grandes envolées lyriques. L'auteur, peut-être à cause de son passé de réparateur informatique, a beaucoup travaillé sur l'aspect technique et mécanique du Silo. Bon, par contre, malheureusement, sur d'autres aspects comme l'éducation ou le médical par exemple, Hugo Way est resté un peu en surface, alors que la majeure partie du récit se passe sous terre. À voir si tout cela sera développé dans les deux autres tomes. Je reste quand même un peu étonné de la capacité d'analyse critique qu'ont certains protagonistes. Il y a quelques aspects sur la psychologie des personnages qui m'embêtent un peu. En même temps, si on interdit l'espoir, c'est nier la vie, et c'est bien sur ce dogme que certaines personnes du silo vont se battre bec et ongles. Hugues, parfois, utilise des grosses ficelles. Dommage, car on passe à côté du chef-d'œuvre. Reste quand même une œuvre de science-fiction exaltante que j'ai littéralement dévorée. On suit les différents protagonistes à travers un enchaînement de chapitres d'une dizaine de pages maximum. Moi, en tant que lecteur, je n'ai eu qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Savoir ce qui allait arriver. Et ça, à mon sens, c'est la plus grande qualité de ce livre. À aucun moment, j'ai sombré dans l'ennui. Petite info intéressante, si vous êtes feignant, vous pouvez vous arrêter à la 50e page. L'histoire se tient d'elle-même. La raison, c'est que Hugo Way avait à l'origine publié en ligne d'abord Silo comme une nouvelle. C'est apparemment à la demande de ses lecteurs qu'il a étiré avec maestria son récit. Je dois, malheureusement, sur ces dernières paroles, rendre l'antenne, alors que j'ai encore plein de choses à dire. On va pas se quitter sur ce petit. On va pas se quitter sur ces paroles, quoi. Ce serait trop dommage. Il y a des œuvres qui fonctionnent sur les mêmes thèmes, et je pense immanquablement à la BD Le Transperce-Neige, qui avait été adaptée au cinéma par le sud-coréen Bong Joon-ho. En 2013, ce n'était pas une franche réussite. Je vous conseille de vous concentrer sur la BD à lire l'été quand il fait bien chaud. Et autre information que j'ai pu glaner sur le web, Ridley Scott a acheté les droits. Et là, j'espère qu'il n'aura pas l'idée de faire une adaptation lui-même. Parce que quand on a vu Prometheus, on peut craindre le pire. Voilà. Je vous fais un bisou, chers auditeurs, auditrices, si vous avez eu le courage d'écouter cette chronique jusqu'au bout. Et je m'arrête là. Il faut voir un psychanalyste. Tu cries papa toutes les nuits. À ton âge, c'est un peu triste. Si tu dois crier ça toute ta vie. La nuit j'ai peur, j'ai des angoisses. Je vois des serpents et des camions. Je me regarde dans la glace. Je n'y vois que des bulles et des ronds. Elle s'appelle Psychose. La fille de minuit. La fille de minuit. En gélatine rose. Elle surgit d'un grand puits. De sa langue de feu. Me crache dans les yeux. Elle saute sur mon lit. On m'a mis des électrodes partout. J'ai pris des bains de gelée de groseille. Je dors toujours avec ma nounou. Mais des poupées gluantes me réveillent. Laisse ton cerceau et tes billes. Éteins ta veilleuse la nuit. Mets du whisky dans ta camomille. Et trouve-toi vite une petite amie. Tais-toi. Elle s'appelle Psychose. De minuit, la fille de minuit, en gélatine rose. Elle surgit d'un grand puits, de sa langue de feu, me crache dans les yeux, elle saute sur mon lit. C'était messieurs Richard de Bordeaux et Daniel Beretta avec le morceau Psychose. On est toujours sur Radio Dio, 89.5 à Saint-Étienne. On est toujours dans Qui ou quoi, l'émission qui vous conseille des livres à lire de toutes sortes. Après donc Silo de Hugo Oui, dont Vincent vient de nous parler, donc après la science-fiction, nous allons maintenant inscrire une nouvelle BD dans la BDTech idéale de Qui ou quoi. La BD dont cette fois c'est moi qui vais vous parler ce soir, ça s'appelle Radiante par Tony Vallant, dont 10 tomes sont parus à ce jour. Et il y a beaucoup de choses, mais alors vraiment beaucoup de choses à en dire. Tellement que je ne sais vraiment pas par quelle boule prendre. Donc eh ben, je vais commencer de manière classique pour une chronique de qui ou quoi. Pour ceux qui écoutent régulièrement, ils le savent. Donc une chronique classique, ça vous, on la commence en vous disant comment, moi, j'ai découvert cette bande dessinée. Comme vous le savez, à qui ou quoi, on aime les bandes dessinées sans distinction de forme. Manga, comics, etc. Et il faut bien se tenir au courant, et pour ce faire, il se trouve que moi, je suis un podcast exclusivement dédié au manga, parce que je trouve que c'est particulièrement difficile de se retrouver dans l'océan des mangas édités en France, et que c'est un type de BD qui a au final assez peu de visibilité en dehors des libraires spécialisés. On sent que le truc n'a pas bonne presse, même si c'est en train de changer avec le Grand Prix d'Angoulême, par exemple, qui a été décerné à une japonaise, avec des trucs comme ça. Mais bon, je vais essayer de pas trop m'égarer, parce que là, je sens que je commence. Donc, je suis un podcast sur le manga qui s'appelle La Cinquième de Couve, et il n'y a pas si longtemps, ils ont fait une émission spéciale Radiante. Que pouvait donc bien avoir de spécial ce Radiante, dont je n'avais jamais entendu parler, pour qu'il mérite une émission entière ? Normalement, arrivé à ce moment de la chronique, vous devez en déduire que Radiante est un manga. Sauf que je vous rappelle que l'auteur de Radiante s'appelle Tony Valente, qui n'est pas vraiment un nom à consonance japonaise, mais bon, ça veut rien dire, c'est pas vraiment un nom à consonance française de type Robert Tripou, puis en vrai, la consonance des noms, on s'en fout. En fait, Radiante, c'est pas un manga, c'est un global manga. Et qu'est-ce donc un global manga ? Ça y est, je sens qu'on part trop loin. Mais je vais quand même vous faire un petit topo sur le global manga et après je reviens sur Radiante. Alors, comme vous le savez, un manga, c'est juste une BD japonaise, auteur japonais, sens de lecture japonais, etc. Mais alors, qu'est-ce que ça peut bien être un global manga ? Eh bien, c'est juste une BD, pas japonaise, mais qui reprend tous les codes du manga. Le sens de lecture, le format, etc. Et Radiant en est pile poil un, Tony Valente étant français. Alors, retour à la cinquième de couve et ce fameux podcast. Pourquoi parlait-il de Radiant ? Eh bien, parce que Radiant, en fait, c'est le premier manga d'origine complètement française à être adapté en dessin animé au Japon. Une première et un tour de force assez hallucinant. Radiant fait le chemin inverse de Dragon Ball, quoi. Mais bon, au-delà de ça, sachez qu'en fait, Radiant, c'est juste une putain de bonne BD. Avant d'essayer de vous donner envie de lire cette bande dessinée à grands coups d'analyse poussée et pertinente, un petit mot sur Tony Valente, l'auteur. Et puis, un autre petit mot passera pas à côté de l'éditeur qui s'appelle Ankama. Donc, Tony Valente, c'est un dessinateur et scénariste français qui vit vers Toulouse. Bon, il a 34 ans, même si j'ai pas vérifié sa date de naissance précise, donc il a à peu près 34 ans. Il a déjà à son actif plusieurs BD dans une veine plus classique, quoique largement influencée par le manga au niveau du dessin. Comme beaucoup de jeunes dessinateurs de BD dites classiques aujourd'hui, en fait. Il a été repéré par Tarquin, le dessinateur de L'Enfeuse, qui a essayé de lui mettre le pied à l'étrier, mais ça a toujours été un peu des coups dans l'eau. Et en 2014, il a créé, tout seul comme un grand, Radiant, chez l'éditeur Ankama, donc dans une veine global manga. Et depuis 2014, le succès de Radiant va grandissant jusqu'à aujourd'hui. Petite information, mais qui a son intérêt quand même, contrairement au standard japonais, dans lequel un dessinateur s'entoure d'assistants qui vont dessiner les décors, lui, il produit seul 3 tomes par an, ce qui est énorme. Mais bon, donc ça n'a vraiment de manga que le nom. J'en profite donc également, après avoir un petit peu parlé de Tony Valente, pour vous parler de l'éditeur Ankama, qui n'est pas au départ un éditeur de livres. Au départ, Ankama, c'est un éditeur de jeux vidéo. L'un de ses jeux le plus connu, c'est un RPG de fantasy qui s'appelle Dofus, qui a connu son heure de gloire autour de l'année 2005. La particularité de Dofus résidait et réside encore, on peut encore y jouer, vraiment dans son graphisme qui est très influencé par le manga, très pop et très réussi. En fait, Ankama, ils ont développé une espèce d'esprit manga, comme ça. Ankama, ils ont aussi développé donc, plusieurs jeux, et ils ont toujours eu à l'esprit de décliner leur franchise sur plusieurs supports. Séries télé, BD, livres, jeux, etc. Donc on pourrait longtemps parler de ces déclinaisons de monde total sur plusieurs supports, savoir si c'est pertinent, ou si c'est juste marketing, etc. Mais bon, j'ai dit en intro, je vais essayer de ne pas trop digresser. En dehors de tous ces mondes autour de jeux vidéo, Ankama s'est aussi lancé dans l'édition de livres purs et durs, et Radiant en est la preuve. Et force est d'avouer que sur ce coup, c'est franchement réussi. Je peux pas dire le contraire, Radiant m'a tellement plu. Alors, Radiant, de quoi est-ce que ça parle ? Radiant, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Seth, qui évolue dans une espèce de monde constitué d'îlots en équilibre sur d'énormes colonnes de pierre. Dans ce monde, en fait, il y a des animaux qui tombent du ciel, les Némésis, qui ravagent tout sur leur passage. Et quand une Némésis touche un humain, celui-ci développe un pouvoir qui peut être utile ou complètement débile. Une fois que les gens se sont fait toucher, on les appelle alors des sorciers. Et en fait, résultat, les Némésis font peur, car le bon sens populaire a peur des sorciers. Au final, dans ce monde, les sorciers sont donc hors la loi, un peu comme des lépreux ou des pestiférés. Sauf qu'il y a certains de ces sorciers qui vendent leur pouvoir, qui peut être extrêmement efficace pour justement aider à se débarrasser des Némésis. Mais tout ça, c'est illégal et il y a une espèce d'inquisition qui veille. Enfin bon, le monde dans lequel se passe Radiant, au tout départ, il est quand même un poil compliqué. Le héros, Seth, lui, il l'est beaucoup moins compliqué. C'est un sorcier, il s'est fait toucher par une Némésis, mais il s'en fout de ce que les autres pensent. Lui, ce qu'il veut, c'est sauver les gens des Némésis. Et comme il débute et qu'il est plutôt mauvais dans sa maîtrise de la magie, il fait plus de bêtises que de bien. Donc malgré ses dehors de Bene, c'est aussi le seul qui est un peu intelligent parce que lui ce qu'il veut c'est savoir d'où viennent les Némésis pour éradiquer le mal à la source. Et cette fameuse source, c'est le Radiant, mais personne ne sait trop ce que c'est. Voilà, là vous savez à peu près tout du point de départ de la chose. Après c'est parti pour 10 tomes. Seth se lance dans une quête perso et va vivre de nombreuses aventures, rencontrer des choses, se bastonner à mort, etc. etc. Radiant s'inscrit dans une veine de manga shonen neketsu. Donc pour mémoire, le shonen neketsu, j'en avais parlé dans une ancienne émission, ce sont des mangas qui s'adressent avant tout à des ados, et le neketsu c'est un style de manga bien particulier dans lequel le héros est un garçon, qui est à la recherche du père en gros, et puis son histoire est ponctuée d'amitié virile, d'amour contrarié et de baston en veux-tu en voilà. Les exemples les plus connus sont les mangas Naruto, qui n'a pas de père et qui veut être le meilleur ninja, ou One Piece qui se passe dans le milieu de la piraterie et dans lequel le héros recherche une fameuse île au trésor. Radiant, tout global manga qu'il soit, s'inscrit quand même directement dans le cadre d'un shonen neketsu. Et force est de constater que Tony Valente a vraiment bien assimilé les codes du genre. Au premier abord, tout y est. Donc si on est fan du genre, on s'y retrouve très très bien. Mais il n'y a pas que ça. Parce que je vous avoue que moi, je n'ai pas lu les 70 tomes de Naruto et je n'ai pas prévu de lire les 100 tomes annoncés de One Piece. En gros, j'ai un peu passé l'âge. Mais moi, j'ai trouvé de l'intérêt à lire Radiant et pas qu'un peu. En fait, Tony Valente, il a réussi à me faire redevenir un ado fan de BD, mais dans le bon sens du terme, l'ado qui n'a pas encore lu plein de trucs, qui n'est pas encore tout blasé et qui découvre une œuvre qui va lui retourner la tête. J'ai lu le truc un peu comme on regarde une bonne série en une fois parce qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Je l'ai lu sans me poser aucune question, juste pour savoir la suite, putain de bordel de merde. Et à ce niveau, je n'ai pas été déçu une seule fois. L'histoire a toujours été là où je ne l'attendais pas. Tout ça est extrêmement bien mené. Les rebondissements sont inattendus, le rythme est super maîtrisé, l'humour est subtilement dosé. Le dessin aussi, il est parfait, ni trop, ni pas assez manga. L'action, elle est bien, visible, compréhensible. La plupart du temps, c'est ce que je reproche au manga, c'est qu'on comprend rien aux scènes d'action. Le design, il est super réussi, pas non plus super novateur, mais en tout cas, il est bien maîtrisé. Il n'y a pas de fanservice. Le fanservice, c'est le fait de dessiner des meufs avec des gros seins pour des ados prépubères qui peuvent pas faire autrement, quoi. Donc ça, il n'y en a pas. Et en fait, on se rend compte que Tony Valente maîtrise très bien le médium BD manga. Et quand en plus on pense au fait qu'il est tout seul de A à Z pour faire tout ça, c'est vraiment très très impressionnant. Pour aller un peu plus loin, un truc aussi qui est intéressant avec Radiant, c'est que Tony Valente insuffle une espèce de vent nouveau au shonen neketsu. Un truc très personnel. En fait, il réussit à marquer le genre en introduisant des thématiques plutôt adultes et assez liées à l'actualité. Par exemple, on peut lire en filigrane la crise des migrants dans l'arc narratif de Rumbletown. C'est même limite politique. Et c'est vrai que la politique, c'est pas le genre de choses, le genre de thèmes qui sont développés dans One Piece par exemple. En tout cas, moi, cet ancrage dans un questionnement lié à notre époque, je trouve ça extrêmement bien parce que ça ouvre sur plein d'autres questionnements qu'on ne peut pas avoir dans un shonen classique. Et grâce à ça, il m'a vraiment attrapé. Au final, c'est un peu comme si Tony Valente avait fait une synthèse entre BD japonaise sur la forme et BD adulte européenne sur le fond. Un autre truc aussi qui est très intéressant dans Radiant, c'est la place des femmes. Ces personnages féminins sont loin d'être caricaturaux. Elles sont toutes très importantes et elles sont très très très loin d'être des faire-valoir. Là où un shonen classique rajoutera des sidekicks masculins aux héros, et ben dans Radiant, on notera que plus l'histoire avance, plus Seth est entouré de femmes. Et elles sont loin d'être caractérisées par un seul trait de caractère ou par leur physique. Elles sont toutes très intéressantes, extrêmement bien campées, elles évoluent, etc. La base quoi. Pour finir sur encore un autre point positif à mon sens, je voulais quand même évoquer le fait que, et ben en plus, Radiant, c'est très drôle. En dehors d'être un manga d'action qui est enthousiasmant, prenant, etc., c'est très drôle. Je me suis pas retrouvé à rire devant un manga comme ça depuis les premiers Dragon Ball. C'est pas hyper fin, mais c'est pas concon non plus. Il y a quelque chose d'extrêmement frais dans les petites doses d'humour que met Tony Valente tout au long de son manga. Ça participe sûrement à un petit côté régressif qu'a le manga, mais franchement, je vois absolument aucune raison d'y résister. Donc vous l'aurez bien compris, j'ai beaucoup aimé ce manga et je vous encourage vraiment à le lire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Il y a encore plein de choses à dire, mais le plus important en fait, c'est que vous avez de la chance parce que vous ne l'avez pas encore lu et que j'envie votre future découverte de l'art chose. Quant à moi, eh ben demain on est le 22 février et le tome 11 de Radiant sort, donc rien que de le dire, ça me rend heureux. Avec moi les ennuis ! Monsieur le dictateur, ouais. Vous ne nous faites pas peur, non. On n'est pas de la même époque. Nous, tout ça, on s'en moque. C'est une question de feeling. Monsieur mauvais. C'est une question de feeling. Wow! C'était oui, donc, Axel. C'était donc Cécilia et ses ennuis avec le morceau Une question de feeling. J'ai rappelé Vincent qui était carrément parti à l'autre bout du studio de Radio Dio qui est vraiment très grand pour que nous concluions cette émission. Donc Vincent, oui. Nous allons, je nous auto-rappelle de quoi nous avons parlé ce soir. Tu nous as parlé du roman de science-fiction Silo de Hugh Howey, qui est sorti sous forme d'intégrale chez Actes Sud. Voilà. Et moi, j'ai parlé donc de Radiant de Tony Valente, un manga qu'il faut absolument mettre dans le plus de mains possible. Tu m'as bien donné envie de le lire. Tu m'as aussi donné envie de lire ça. Ça m'a donné des. Tu vois, j'ai mes poils qui se sont hérissés un petit peu. Je propose qu'on s'échange les livres à la sortie. D'accord. Nous, en attendant, on va se retrouver, toi dans un mois, moi dans deux semaines, sur la même antenne de Radio Dio. Pour une nouvelle émission de qui ou quoi, je ne sais pas du tout de quoi on parlera à ce moment-là. Je ne sais même pas si tu as une idée de quoi tu veux parler. Je n'ose me prononcer. Je pense qu'il faut que ça reste dans le domaine de la surprise. De la surprise, une espèce de forme de brouillard, quoi, étrange, tu vois. Ça crée une forme de suspense. Tout à fait. En attendant, nous vous souhaitons une bonne soirée, à l'écoute de Radio Dio ou pas. On se retrouve bientôt. À bientôt. Ouais.